Chapitre 2, à la racine des causes. Mais pourquoi en sommes-nous là ? Je t'ai déjà expliqué que nous avons intégré la croissance illimitée comme mode de vie. Dans l'histoire de l'humanité, ce n'était jamais arrivé. Pendant des milliers d'années, nos ancêtres, en effet, étaient nomades, vivaient simplement de la pêche, de la chasse et de la cueillette. Ils ont commencé à se sédentariser il y a environ 10 000 ans, et ce fut le début de l'élevage, de l'agriculture, du processus d'accumulation. C'est seulement il y a 200 ans que la première révolution industrielle est arrivée avec la machine à vapeur, puis la deuxième un siècle plus tard avec le pétrole. Et ensuite l'informatique ? Attends, avant on a vu apparaître le chemin de fer, l'automobile, l'électricité, le téléphone. Par exemple, rends-toi compte que lorsque j'étais jeune, j'ai vu installer chez le conseiller municipal le seul téléphone de mon quartier. Puis la télé, une seule chaîne en noir et blanc, il y a seulement 40 ans. Qu'est-ce que tu devais t'ennuyer ? Pas du tout. On jouait beaucoup avec mes camarades. On construisait des cabanes, des cages de foot avec deux bâtons, des chariots avec des roues de poussette, on s'inventait des histoires, on faisait comme si. Le soir en hiver, on se régalait de gaufres chez les voisins, dans les veillées. Et toujours pas de jeux vidéo ? Oh non. J'ai eu mon premier ordinateur en 1985. J'en étais très fier. Il avait 512K de mémoire. Tu veux dire 512 gigas ? Non, 512K. C'est-à-dire 10 fois moins qu'une petite clé USB d'aujourd'hui. C'est nul. Moins nul que d'être obligé de changer tout le temps de matériel, comme aujourd'hui, de se farcir la lecture de notices fastidieuses, d'être contraint d'acheter quantité d'accessoires, de jongler entre des standards qui sont même pas compatibles entre eux. Ça fait marcher le commerce. Tu m'as déjà dit ça, mais nous avons vu ensemble que tout devenait aujourd'hui marchandise. Au prix du sang des guerres pour s'emparer des dernières richesses naturelles, y compris l'eau potable qu'il faut maintenant payer. Et au prix de l'épuisement de nos ressources non renouvelables. Ah, ouf, tu retrouves la mémoire et le raisonnement. Le problème, c'est que notre société s'est engagée depuis quelques décennies seulement, dans une accélération inédite dans l'histoire humaine, et que l'économie, qui était basée sur les échanges de biens et de services, a dérivé brutalement en spéculation financière. Il a toujours bien fallu de l'argent pour construire des usines. Oui. Mais il s'agissait d'investissements productifs, et les industriels s'astreignaient alors à dégager un petit pourcentage de bénéfices, notamment pour rembourser le capital et la part de risque des prêteurs. Ce n'est plus le cas ? Il n'y a pratiquement plus d'industriels, que des financiers. Les ingénieurs sont aujourd'hui remplacés par ces financiers qui n'attendent que des taux de profit à deux chiffres. Les employés, comme ce qui est produit, importent peu. Seul compte le rendement de l'argent à court terme, à très court terme même, puisqu'on peut contrôler maintenant la marge dégagée pratiquement en temps réel, sans se soucier des désordres que ça produit dans l'environnement et de l'usage des produits fabriqués. On peut faire n'importe quoi pour gagner de l'argent ? Et on ne s'en prive pas. On fabrique des équipements qui tombent rapidement en panne, des pesticides dangereux, des bombes. On exploite le travail des enfants, des réseaux de prostitution, des systèmes mafieux, des conditions de travail effroyables. Il n'y a pas de loi pour limiter ça ? Pas dans tous les pays. Et lorsqu'elles existent, elles ne sont pas toujours appliquées. Grand-papy, rappelle-toi, résumez bien la situation en disant « c'est la finance qui mène le monde ». Et encore à l'époque, la dérive financière de l'économie n'en était qu'à son début. Aujourd'hui, les mécanismes de spéculation de l'hyperlibéralisme fonctionnent à la milliseconde avec le trading haute fréquence. Attends, je ne comprends pas de quoi tu parles. Nous avons vu que pendant des siècles, l'économie concernait les échanges de produits, de marchandises, et que l'argent servait de monnaie d'échange. Progressivement, l'argent lui-même est devenu une marchandise que l'on peut acheter, vendre avec un bénéfice. Et récemment, le système s'est emballé au point que l'économie réelle ne représente plus actuellement que 3% des flux financiers en circulation dans le monde. Et alors, c'est quoi les 97% restants ? Eh bien, c'est de l'économie virtuelle, c'est-à-dire du vent. Chaque seconde, des milliards sont échangés, qui n'ont plus qu'un vague rapport avec le cours des céréales ou la production d'objets. J'ai visité une fois un des centres mondiaux de transactions électroniques. C'est impressionnant de technologie. mais aussi de désintérêt sur la finalité de ces masses colossales d'argent qui circulent. Chaque opérateur se concentre sur sa spécialité, hein, qu'elle soit financière, informatique, juridique, mais cet anonymat généralisé dispense de se sentir responsable. On est simplement contributeur d'un monstre aveugle, sans limite. Tu m'as déjà dit ça pour l'épuisement des ressources naturelles. Oui, il faut insister sur cette idéologie du no-limite, du toujours plus. C'est la principale cause du désordre actuel. En ce qui concerne l'argent, ça s'appelle la cupidité. Et elle est aujourd'hui érigée en performance. Les ravages de la cupidité s'étendent dans tous les domaines. Des mœurs sans limite, des compétitions sans limite, un développement sans limite, une consommation sans limite. Alors que depuis des siècles, sur tous les continents, toutes les sagesses du monde avaient toujours recommandé la tempérance. C'est naturel d'essayer d'avoir ce qui nous fait envie. Là, attention, tu confonds le désir et le besoin. Les philosophes expliquent depuis longtemps la différence entre les besoins nécessaires, vitaux, et tout le reste dont on peut se passer et être aussi heureux. Serais-tu plus heureuse si je remplissais ta chambre de tout ce que tu peux désirer, ou plus exactement de tout ce que la publicité te fait désirer? Elle ne serait jamais assez grande. Tu comprends donc le paradoxe de l'homme. Alors que l'animal sait par instinct qu'il ne faut pas plus manger que sa faim, ne pas tuer plus qu'il ne faut pour subsister, nous, qui disposons d'un cerveau pour raisonner, nous convoitons en fait beaucoup plus que nos besoins essentiels. Nous accumulons pour avoir, alors que la question centrale est comment être en paix, épanouir nos talents, comment vivre en société harmonieuse, fraternelle, joyeuse. C'est vrai que beaucoup de gens paraissent tristes, stressés, pressés. Oui, tout s'accélère, même nos rythmes de vie. On n'a jamais assez de temps pour tout faire ce qu'on voudrait. Voilà un autre paradoxe. Nous nous plaignons de manquer du temps, alors que le soi-disant progrès avec ses avancées technologiques nous permet aujourd'hui d'aller très vite pour communiquer entre nous, préparer notre nourriture, nous déplacer, fabriquer nos équipements. C'est la course permanente, même au collège, pour boucler le programme. La course à l'accumulation de connaissances, plutôt qu'à la réflexion. L'obsession du classement individuel, la compétition généralisée. Est-ce que tu trouves normal qu'au lieu d'apprendre en s'entraidant, on apprenne à rentrer en rivalité dès l'école? Est-ce que c'est normal que le monde du travail soit devenu impitoyable aux plus faibles? Que la loi de la jungle, celle du plus fort, soit devenue la règle générale? C'est chacun pour soi. Oui, au point que ce qui avait été conquête de liberté, rébellion contre la soumission qu'imposait la royauté, l'Église, s'est aujourd'hui dégradé dans un individualisme hypertrophié, qui atomise le corps social, qui évacue l'idéal de fraternité et d'égalité. C'est toujours marqué au fronton des mairies, il me semble. Liberté, égalité, fraternité sont toujours écrits, en effet, mais peu pratiqués. Or, les trois termes doivent s'équilibrer simultanément, sous peine de trahison de l'esprit des fondateurs. On a vu par exemple l'égalitarisme forcené déboucher sur la dictature du prolétariat. On voit aujourd'hui les ravages de l'hyperlibéralisme. Et les sectes, elles mettent la fraternité en exergue pour soumettre la conscience des individus. C'est difficile d'équilibrer les trois termes. Voilà, c'est l'enjeu de la politique avec un grand P. Élaborer le meilleur compromis entre liberté et fraternité, c'est ça l'enjeu d'un régime vraiment démocratique. Nos sociétés dites développées sont obnubilées par la liberté au point de considérer la fraternité comme une entrave. Par ailleurs, le développement du système technoscientifique alimente un fantasme de toute puissance, une ivresse de la démesure. Oh là, que de grands mots. Peut-être, mais comment décrire simplement cette folie humaine du toujours plus? Cet aveuglement des questions existentielles sous l'avalanche d'objets accumulés, du débordement des moyens de divertissement, de cette fébrilité chronique. C'est trop compliqué. On ne peut rien faire. Que font les hommes politiques? Eh bien, sauf exception, la plupart des élus servent les intérêts particuliers de leur caste, plutôt que l'intérêt général. Quelle que soit leur couleur politique, ils ont un mode de vie similaire. Ils ont souvent fait les mêmes études, ils fréquentent les mêmes cercles d'influence et ne représentent plus la grande majorité des Français. Il est logique que les élus cherchent à reproduire le système dont ils bénéficient. C'est humain. On parle alors d'une oligarchie qui accumule les mandats en nombre et dans le temps. La jouissance du pouvoir et les privilèges qui y sont associés expliquent le refus d'une limitation du cumul des mandats en quantité et en durée. On ne peut pas tout réglementer. Le paradoxe actuel, c'est qu'il y a trop de réglementation, trop de normes sur les détails et une déréglementation massive sur l'essentiel. Depuis 3 décennies, les gouvernements successifs s'emploient à privatiser, à démonter les protections acquises une à une par les luttes sociales dans le cadre d'un partage entre les revenus du travail et ceux du capital. Ce n'est plus le cas ? Non, l'idéologie libérale est devenue la pensée unique, la représentation dominante de l'économie, une nouvelle loi naturelle, enfin dite naturelle. Le libre-échange mondialisé n'est plus seulement un dogme, c'est devenu une réalité. Donc ce ne sont plus les gouvernements qui gouvernent, mais le marché, puisque depuis la chute du mur de Berlin, le système capitaliste triomphe ostensiblement, malgré les ravages de ses conséquences sur la planète et du développement inégalitaire. Faut-il encore en parler ? Et évidemment, plutôt que de se focaliser sur la vie des stars, le débat public devrait se centrer sur le choix de société, faire apparaître le conflit de valeurs en présence. Depuis la Révolution française, nous avions conféré à la puissance publique la préservation de l'intérêt général. Mais depuis 1983, nos différents gouvernements sapent petit à petit les prérogatives de l'État en privatisant, en dérégulant à tour de bras comme aux États-Unis, en confiant la gouvernance de l'intérêt général à des agences non élues ou même à des groupes privés. J'entends parler d'un accord de libre-échange. Et tu es très bien renseigné, car les négociations en cours du traité transatlantique sont plutôt opaques. Et pour cause, il s'agit d'une résurgence d'un projet qu'on appelait l'accord multilatéral sur les investissements, qui avait été repoussé en 1998. Mais aujourd'hui, l'objectif est le même, nous imposer un grand marché complètement dérégulé afin qu'aucun État ne puisse s'opposer aux intérêts d'un investisseur. Ce sera la fin des normes sociales, si jamais c'était voté, des normes environnementales, au profit de la main invisible du marché. Il n'y aura plus de limites. C'est effectivement le triomphe de la pensée du no-limit dans le domaine de l'économie, comme dans celui des mœurs. Plus de limites à l'avidité, à l'égoïsme, à la démesure, le mépris des faibles, tout ça, ça devient les mots d'ordre d'un monde dit moderne.